capsule rock metal avec Dominique No. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode de la capsule rock metal. Mon nom est Dominique No, en direct de la décrépitude de grand-mère. Et aujourd'hui, je vous parle d'un album absolument sensationnel. C'est le 40e anniversaire du premier album de Celtic Frost qui est paru en novembre 1984. On n'a pas de date précise sur la sortie de l'album. C'est été enregistré, cet album-là, en Allemagne entre le 8 et le 14 octobre 1984. Celtic Frost qui est un groupe suisse avec à leur tête Tom Warrior à la guitare et au vocal, Martin Ain à la basse et Steve Priestley à la batterie. Donc Morbid Tales est le titre de ce premier album qui est paru sur Noise Records en Europe avec 6 chansons, donc c'était un EP. Et c'est ensuite paru aux États-Unis, en Amérique, avec 2 chansons de plus. Donc là, on parlait d'un LP qui est paru sur Metal Blades. Et ici, au Québec, c'est paru sur Banzai Records. Il faut savoir qu'à l'époque, Banzai Records, c'est probablement lui qui la compagnie qui nous donnait tous les groupes les plus underground qu'on tripait. On était en pleine révolution. On tripait sur les nouveaux genres, et puis ça, on l'a pas vu venir pantoute, Celtic Frost. On n'avait jamais entendu ça, de la musique comme ça. Ce qu'on avait de plus révolutionnaire, qu'on avait entendu, c'était à Metallica, genre Venom. Mais là, on passait à d'autres choses là, en 84 avec Celtic Frost. Là. Parce que, premièrement, pour la production, t'sais, au début des années 80, il y avait beaucoup de producteurs qui ne savaient pas trop comment produire les groupes métal. Donc des fois ça pouvait sonner un peu bizarre, cacane. Même des fois les groupes aussi avaient pas beaucoup de moyens là. Mais pour ce qui est de ce premier opus de Celtic Frost, c'était vraiment là, une tonne de briques là, quand ça a sorti là. Nous, la première fois qu'on a entendu ça, c'est mon comparse Stéphane Patry qui avait enregistré du Celtic Frost à l'émission Le Metal Files qui passait sur Chaume FM à Montréal. Je crois que c'était le vendredi soir, si je me trompe pas. Là. Et puis, il y avait passé deux groupes. Il y avait passé Celtic Frost. Il y avait passé 2 extraits. Donc, si je me rappelle bien, ils avaient passé Into the Crypts of Rays et puis Procreation of the Wicked. Puis, il y avait aussi passé dans le deuxième bloc, le premier album, ben, le premier EP de Destruction, The Sentence of Death. Ils avaient mis Total Disaster, puis Mad Butcher. Donc, nous autres, on trippait à taverner quand on a entendu ça, là, Celtic Frost. Puis là, c'est sûr que ça nous prenait absolument ça, cet album-là. C'était indéniable. Je me rappelle plus qui dans la gang avait acheté l'album. En tout cas, c'est sûr qu'on se l'était tout enregistré, toute la gang. On avait tout enregistré de cassette de ça. Puis ce qui était spécial en 84, c'est qu'on avait comme 15 ans. Parce que, tu sais, on a toutes nos petites gangs à 15 ans. On était à la fin du secondaire, puis on a une grosse gang. Mais côté musical, ça commence à se séparer. Tu sais, t'as la gang des Pink Floyd, puis t'as la gang des métalleux, puis tu sais, ça commençait à devenir plus difficile de se mettre de la musique un peu pour tout le monde, mais ce qui est assez étrange, c'est que pour Celtic Frost, ça passait pour tout le monde. Tout le monde aimait Celtic Frost. C'était tellement magique d'entendre ça. Ça sonnait, mais c'était pas trop comme du Bathory, mettons, c'était pas trop brutal, là, c'était... Ça avait un côté un peu catchy aussi, là, pis ouais, si on l'a écouté, ça, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Je me rappelle qu'à un moment donné, on avait été au Festival Western de Saint-Tite, et puis d'autres, on rôdait toujours à l'entour de l'église, là, à l'époque, il n'y avait pas plein de roulottes, puis tout, on pouvait se tenir en arrière de l'église, dans la pente de gazon. Puis à un moment donné, on avait entendu un groupe qui jouait dans le sous-sol de l'église. Ben, tabarnak, il jouait du Celtic Frost, là. Hey, nous autres, on commençait à jouer, Stéphane, puis moi, on commençait. Exotoxique, on n'avait pas encore trouvé le nom, on faisait des covers un peu boiteux, là, tu sais, on s'amusait, on avait bien du fun dans la cave, mais ça, c'était spécial de voir qu'on pensait, tu sais, qu'il y avait juste nous autres qui connaissaient ça, mais non, il y avait une gang de Saint-Tite aussi qui tripait sur du Celtic Frost, puis tout. Puis on était voir Celtic Frost en spectacle, c'était vraiment magique. Là. J'oublierai jamais, jamais ce moment-là. C'était le 2 juillet 86 qu'on était voir Celtic Frost au 15-15 d'Estimoville à Québec, avec en première partie Aggression et Voivode. Donc, vous voyez le topo, là. 1986, une magnifique journée d'été, 2 juillet. Aggression, Voivode et Celtic Frost. Et puis, on avait monté une gang d'amis, puis parmi un de nos amis, on avait un qui s'appelait Ticasse. Ticasse qui était bien drôle, là. C'était un peu comme notre fou du village, là. Mais, tu sais, il avait notre âge, puis il était vraiment gentil, puis, mais, tu sais, il était un peu simplet, puis c'était tellement drôle, les niaiseries qu'il pouvait nous lâcher. Fait qu'on décide d'amener Ticasse avec nous autres à aller voir Celtic Frost à Québec. Il était tout excité, bien trippant de ça. Fait que, en montant, on arrête à halte, puis là, on arrive vis-à-vis Cap Santé, puis là, Ticasse, oui, la pancarte, puis là, il dit « Hey, Cap Sauté, il doit y avoir des sautés, là! Hey, » Puis là, c'est l'hilarité, là, tu sais, vous voyez le genre d'humour, là, eh ben, Ticasse, c'était quelque chose. Ce qui était le fun quand on est arrivé là-bas, c'est qu'on s'installe avec les chars dans le stationnement, puis tu sais, on a quoi, là, à 86, moi, j'ai 17 ans, je viens d'avoir mon char, là, j'ai mon Ford Escort, là. Puis là, on s'installe dans le stationnement du 15-15 d'Estimoville. Puis là, tout le monde, c'est tout pareil. Là, on arrive à la fin d'après-midi. On rouvre la valise. On se rouvre une petite bière. Ah, puis on est bien. Puis là, on écoute de la musique, puis tout. Puis là, il y a plein de monde qui arrive avec des bacs, des patchs, des vestes de cuir, puis toutes des pareils, des comme nous autres, là, tu sais. Un moment, on va passer une espèce de crusty pong avec un gros tape deck sur l'épaule. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il écoutait, mais je suis allé le voir. Il dit « Qu'est-ce que t'écoutes, mon gars? J'ai jamais entendu de quoi David même. » Il me dit « C'est du SOD! » On va y revenir là-dessus, le SOD. C'est la première fois que j'ai entendu du SOD. C'était au show de Celtic Frost au 15-15 d'Estimoville. Fait que, hey, là, on rentre. En rentrant au 15-15 d'Estimoville, il y avait une machine à boules. Faut dire qu'en 86, on avait le droit de fumer à l'intérieur n'importe où d'un bar, d'un salle. Fait que en rentrant, il y a une machine à boules, puis on voit Reed St. Mark, qui est devenu le deuxième batteur de Celtic Frost, parce que Steve Priestley, il trippait pas vraiment, il trippait plus sur Rainbow, pis des trucs de même, tu sais. Fait que Reed St. Mark est devenu le batteur de Celtic Frost pour le deuxième album. Puis un gars vraiment en tête, mais un athlète, tu sais, les cheveux crépés, bâti, là. On aurait dit qu'il aurait pu jouer dans Manowar, tu sais, tu vois le genre, là. Un bâti, là. Là, il est en train de jouer à machine à boules. On rentre dans une machine à boules en rentrant à 15 de Timoville. Puis là, ben, on voit Reed St. Mark. Ben, moi, je vois Reed St. Mark en train de jouer à machine à boules. Là, Ticasse est à côté de moi. Puis je dis, hey, Ticasse, check. C'est Reed St. Mark. C'est le drummer de Celtic Frost. Là, Ticasse, ah, oh, ouais. Fait que là, il sort sa pipe à hache. Il s'en va à côté. Puis là, il prend une grosse crise de puff, là. Puis là, il est Puis là, il tend son bucket vers Reed St. Mark, puis il me dit, t'en veux-tu, Reed St. Mark? Il dit, no thanks. Hey, ça, si c'était drôle, si on a ri, critiquant, il voulait faire fumer le drummer de Celtic Frost. Ah, ben, c'était magique. Mais cette soirée-là, là, écoute, Aggression, là, moi, j'ai rien compris de ce qui s'est passé ce soir-là. Là. C'était un mur de son, les oreilles nous saignaient. Là. Et quand je suis sorti, Stéphane m'a demandé, puis comment t'as trouvé ça? J'ai rien compris de ce qui vient de se passer, pas en tout, là, mais c'était malade. Là. Pour Voivode, c'était le fun parce qu'on les connaissait, le volume était un peu moins fort, puis tout. Ça a été un gros. C'était plein, là. Écoute, au 15-15, c'était plein, plein, plein. Puis là, Celtic Frost arrive. Puis nous autres, on est habitué de voir le vidéo, là, True Mega Therion qui passait à Musique Plus, là. Les gars bardés de cuir avec les les studs, puis les headbangs, puis le monde qui saute dans le pit, qui monte sur le stage, les stage dive en malade, puis tout, puis tu sais, on est habitué de les voir, les gars. Puis là, à un moment donné, ils présentent Celtic Frost, puis là, ben, tu vois arriver mon Tom Warrior en jeans avec un petit t-shirt bleu royal, tu sais. Probablement qu'il n'a pas été capable de transporter tous ces trucs à vos douanes, ou je sais pas trop. En tout cas, il arrive en petit t-shirt bleu, là, ça tavardé. Puis là, tout le monde se met à crier « Ouh! Ouh! Ouh! Ouh! Ouh! Ouh! » Puis là, ça va « Ah! » Mais ça a été pareil comme dans la vidéo, là. Les stage dive à pu finir, les stage dive à pu finir. C'était violent, on était en arrière, on avait 17 ans, on regardait ça. Hey, c'était le disque là, qui jouait en avant-toi. C'était vraiment capoté, là. Fait que, tu sais, Celtic Frost, c'était tellement marquant, là, puis que c'est venu de nulle part, là. C'est tellement dommage qu'en 88, ils ont sorti le Cold Lake, là, puis même, l'album, moi, que je trouve épouvantable, là. C'est plate, là. Puis même S.O.D., justement, qu'on parlait, ont fait une chanson sur Celtic Frost, justement, c'est intitulé « Whatever Happened to Celtic Frost? » Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tu vois les gars posés avec les cheveux crépés dans les airs, puis comme Poison, tu sais, mais excusez-moi de sacré, là, mais regardez ça, là, ces gars-là, là, c'est pas Bon Jovi, là, c'est Tom Warrior, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Non, mais ils ont erré, là, ils ont voulu faire de l'argent, puis ils ont perdu comme leur stature, là, si tu veux, de grandiose, de c'était quasiment les rois en Europe, cette fille Celtic Frost, puis c'est quand même dommage que ça l'ait arrivé, puis après ça, c'est jamais revenu. Tu sais, ils ont sorti un album monothéiste, il semble que c'était à la fin des années 90, début 2000, là, sous le nom de Celtic Frost, mais il faut s'entendre que c'est du Triptychon. Le Triptychon qui est maintenant le groupe de Tom Warrior. Là. Martin Ain est décédé il y a quelques années. Là. C'était vraiment son comparse à Tom Warrior, ces deux-là. C'était comme une relation amour-haine, là, si on veut. Mais ils se complétaient tellement bien, là, parce que Martin Ain, c'est un très grand artiste, là, puis visionnaire, puis tout. Tandis que Tom, lui, c'est... Tom, c'est vraiment le gars qui achève les choses. Tu sais, Martin Ain même écrivait des textes, puis tout. Mais ils se complétaient tellement bien, ces deux-là, ensemble. Puis c'est dommage, quand Martin Ain est décédé, tu sais, c'est une grosse perte pour Tom. Mais moi, je vous dis, là, si jamais, là, vous n'avez jamais entendu l'album Morbid Tales, là, de Celtic Frost, là, 1984, vous le dis, là, vous allez le reconnaître, là-dessus, il y a un heptagramme, là. Un heptagramme, c'est une étoile à 7 branches qui a été concoctée par Martin Ain, là, avec un squelette au milieu, ce qui est devenu la marque de commerce, le trademark de, si on veut, de Celtic Frost. Fait qu'un album absolument fantastique qui a 40 ans, puis qu'on se tente pas d'écouter, ça a tellement bien vieilli, c'est encore actuel. Moi, j'ai ma copie ici, Banzai, c'est de l'or en barre pour moi, puis moi, j'ai la pochette rouge, là, le logo rouge avec le heptagramme rouge. Et puis, à un moment donné, sur Discog, il y a un gars qui m'écrit, parce que je m'étais planté quand j'avais rentré mon Discog, j'avais rentré celui avec la pochette blanche. Fait qu'il y a un gars qui m'écrit en Europe, il dit « T'es à vendre ton Celtic Frost? » Bon, je dis « Non, mon Celtic Frost, il est pas à vendre. » Ben, il dit « Écoute, il dit si jamais tu changes d'idée, il dit moi, je suis prêt à t'en offrir 800$. »« Wow! Money talks and people listen, hein? » Je récris au gars, j'ai dit « Écoute, à 800$, là, c'est de l'argent, là, je te dirai pas non. » Il dit « Prends-moi une couple de photos. » Fait que là, je prends une couple de photos, j'ai dit « Ah ouais. » Il dit « Non. » Il dit « Moi, il dit c'est l'album avec la pochette blanche, là, avec le logo blanc que je cherche. » Et toi, c'est le logo rouge. Je l'ai, celui-là. Fait que je m'étais planté, il a fallu que je refasse mes devoirs pour regarder comme fou comment que j'avais rentré mes disques sur Discogs, parce qu'il y en avait une couple que j'avais rentré un peu tout croche, peut-être était trop vite, ou je comprenais pas trop comment ça marchait, là. Mais il reste que c'est un album de grande valeur, puis moi, je suis tellement content de l'avoir ici, puis en finissant ma chronique à ce soir, je vais l'écouter pour marquer encore ce 40e anniversaire absolument fantastique d'un groupe révolutionnaire qui a changé la face du métal, en même temps que le faisait Metallica, en même temps que le faisait Slayer, puis Celtic Frost, puis c'était tout le temps que ça, on monte la coche, puis il y avait tout le temps un groupe qui venait nous monter la coche un peu plus haut, puis Celtic Frost en fait partie, puis... Je me considère tellement chanceux d'avoir pu vivre ça, là, vivre l'histoire du trash, parce que c'est une histoire qui se vit. Là. C'est pour le monde plus jeune, ils vont écouter ça. Ouais, mais en 84, là, c'était très heavy. Là. Moi, j'avais 15 ans, j'ai vu Celtic Frost quand j'avais 17 ans. Là. Fait que ça a été une époque de ma vie où Celtic Frost ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Là, qu'on écoutait la cassette, les tapes, les mangeait là, tellement qu'on a écouté. Là. Fait que c'est un album absolument révolutionnaire et fantastique. Celtic Frost Morbid Tales a 40 ans, ça nous rajeunit pas, puis on est vraiment content de l'avoir connu à l'époque où ça a sorti. Fait que je vous dis bonne écoute, allez écouter ça, et je vous souhaite un bon 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines pour une autre capsule rock metal sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Alors là-dessus, je vous dis ciao. Bye.